إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, serviteurs d'Allah, dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à toute chose une fin, et ce afin que les gens de la foi tirent des leçons et qu'ils s'empressent de vouer des œuvres pieuses à leur Seigneur tant qu'ils sont encore vivants. En effet, la vitesse à laquelle passent les jours et les nuits te rappelle que tu ne seras pas éternellement sur terre, et que tu as des registres d'œuvres qui sont en train d'être inscrits et qui seront bientôt pliés. Tu dois donc t'empresser vers Allah subhanahu wa ta'ala, à te repentir de tes mauvaises œuvres et à remplir ces registres d'œuvres pieuses agréées d'Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'il ne soit trop tard. Hier encore, tu as accueilli le mois de Ramadan, celui que tu attendais impatiemment pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, voilà que tu t'apprêtes à lui présenter tes adieux. En effet, aussi vite que le mois de Ramadan est arrivé, le voilà déjà partir. Il part et il témoignera de ce que tu as fait en celui-ci. Que reçoive donc la bonne nouvelle, celui pour qui le mois de Ramadan sera témoin pour lui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala des œuvres de bien qu'il a accomplies durant ce mois. Que reçoive donc la bonne nouvelle, celui pour qui le mois de Ramadan intercédera pour lui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il rentre au paradis et qu'il soit affranchi du feu. Et malheur à celui pour qui le mois de Ramadan sera un témoin contre lui. Il témoignera de ses mauvaises œuvres et de sa négligence durant celui-ci. Il témoignera de ses manquements et de son délaissement des œuvres pieuses durant celui-ci. Il témoignera de son insouciance et de sa négligence durant ce noble mois béni. Et il se plaindra auprès de son Seigneur que ce serviteur l'a négligé et n'a pas profité de lui pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc choisir la manière par laquelle tu présentes tes adieux à ce noble mois, et tu dois terminer ce mois dans le bien et les œuvres pieuses, afin qu'il soit un témoin pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il témoigne que tu as voué le culte à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement durant ce mois, et ce jusqu'à sa fin. Et n'oublie pas que les œuvres pieuses, elles valent selon leur fin. Innama al-a'mal bil khawatim. Les œuvres pieuses valent selon leur fin. Donc celui qui a été bienfaisant durant ce mois, il doit compléter celui-ci dans la bienfaisance. Il doit terminer ce mois dans l'adoration, terminer ce mois dans la prière de nuit, terminer ce mois dans la lecture du Coran, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'invocation, les aumônes et autres œuvres pieuses qu'il voue à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois prendre garde à ne pas te laisser abattre par la fatigue ces derniers jours. Tu dois prendre garde à ne pas être pris par la lassitude durant ces quelques jours qui restent du mois de Ramadan. Mais tu dois terminer ce mois dans la bienfaisance. En effet, nombre de serviteurs, durant les derniers jours du mois de Ramadan, ils se laissent prendre par la lassitude, ou ils pensent que ce qu'ils ont accompli est suffisant pour ce mois, ne prenant pas en compte le fait que les œuvres valent selon leur fin. Tu dois conclure ce mois dans le bien. Certaines personnes, une fois qu'ils ont clôturé la lecture du Coran, ils ne lisent plus durant les jours qui restent durant le mois de Ramadan. Ils ont pris de l'avance dans leur lecture, puis ils délaissent la lecture durant ces derniers jours. Mais les œuvres valent selon leur fin. Termine donc ce mois dans les œuvres de bien, dans les œuvres pieuses que tu voues à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne te laisse pas prendre par la lassitude. Et ne sois pas insouciant avec les négligents. Et ne te laisse pas tromper parmi ceux qui ne font que se distraire par la préparation du jour du Eid, du jour de la fête, oubliant que la fête est pour celui qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois, qui lui a voué le culte sincèrement et s'est rapproché de lui par les œuvres pieuses. C'est pour celui-ci que ce jour est réellement une fête. Quant à celui qui a été malfaisant durant ce mois, qu'il s'empresse alors de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il se rapproche de lui par les œuvres pieuses durant les jours qu'il reste. Il se peut que cette occasion ne se présente plus à toi. Tu ne sais pas si tu vivras encore le mois de Ramadan l'an prochain. Termine donc ce mois dans le bien et continue dans le bien et dans les œuvres pieuses après le mois de Ramadan. Ces œuvres pieuses que tu as accomplies durant ce mois, tu dois les continuer durant les autres mois de l'année. En effet, le Seigneur de Ramadan est le Seigneur de l'ensemble des mois de l'année. Le Seigneur que tu adores durant le mois de Ramadan, c'est celui que tu dois adorer tout au long de l'année. Et il t'observe. Et ses anges notent tes œuvres tout au long de l'année et pas seulement durant le mois de Ramadan. Celui qui t'a ordonné de lui obéir durant le mois de Ramadan, il t'a également ordonné de lui obéir tout au long de ta vie. Donc celui qui adore le mois de Ramadan va se terminer et il n'en reste que quelques jours avant sa fin. Quant à celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala est le vivant qui ne meurt jamais. Qu'il continue donc dans l'adoration durant tous les jours de l'année, qu'il continue donc dans l'adoration de son Seigneur et en se rapprochant de lui par les œuvres pieuses tous les jours de l'année. Il y a des gens qui n'adorent Allah subhanahu wa ta'ala que durant le mois de Ramadan. Durant celui-ci, ils sont assidus dans les prières. Ils accomplissent chaque prière en son temps. Les hommes les font à la mosquée. Ils multiplient la lecture du Coran. Ils font beaucoup d'aumônes avec leurs biens. Puis une fois que le mois de Ramadan termine, les voilà replongés dans l'insouciance. Tu les vois paresseux face à la prière. Et il se peut même qu'ils délaissent la prière du vendredi. Ils détruisent alors ce qu'ils ont construit durant ce mois. Et ils pensent que les efforts qu'ils ont accomplis durant le mois de Ramadan suffisent pour effacer leur négligence et pour expier leurs péchés qu'ils accomplissent tout au long de l'année. Ils délaissent les obligations. Ils commettent les interdictions tout au long de l'année. Et pensent que les quelques efforts qu'ils ont faits durant le mois de Ramadan suffisent pour expier cela et qu'ils peuvent, après le mois de Ramadan, replonger dans l'insouciance et les péchés. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, nukaffir ankum sayyi'atikum » Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons alors vos mauvaises actions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les cinq prières quotidiennes, la vendredi au vendredi, le ramadan à l'autre ramadan, expient les péchés qui sont commis entre eux. Si vous évitez les grands péchés, et quel plus grand péché y a-t-il après le shirk que le fait de délaisser la prière? Et le délaissement de la prière est devenu une habitude chez nombre de personnes. D'autres la négligent et ne l'accomplissent pas en son temps. Ils font la prière, mais ils la font sortir de leur temps en dehors du mois de Ramadan. Les efforts de cela durant le mois de Ramadan ne leur seront pas profitables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala s'ils le font suivre par les péchés et les désobéissances et le délaissement des obligations et l'accomplissement des interdits. Certains salafs ont été interrogés au sujet de gens qui font des efforts durant le mois de Ramadan. Puis une fois le mois de Ramadan terminé, ils sont négligents et malfaisants. Ils ont alors dit, quelles mauvaises personnes sont ceux qui ne connaissent Allah que pendant le mois de Ramadan. En effet, celui qui connaît réellement Allah subhanahu wa ta'ala, alors il le craint et il l'adore à tout moment, tout au long de l'année, et pas seulement durant le mois de Ramadan. Certaines personnes ont jeûné le mois de Ramadan. Ils ont prié durant celui-ci. Ils ont manifesté le bien. Ils ont délaissé les péchés. Mais ils n'ont pas fait cela par foi et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils n'ont fait cela que par convenance et pour suivre les habitudes des gens avec lesquels ils vivent. Car ils considèrent le mois de Ramadan comme une tradition ou une coutume. Et ceci en réalité est de l'hypocrisie majeure. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. En effet, les hypocrites, ils accomplissent des œuvres qui sont des œuvres de bien en apparence. Mais ils ne font cela que pour se montrer devant les gens ou que pour faire comme les gens. Mais en réalité, ils sont mécréants dans leur cœur et on demande à Allah de nous préserver. Ceux-là, ils considèrent le mois de Ramadan comme une prison de laquelle ils espèrent bientôt sortir. Ils attendent impatiemment sa fin pour replonger dans les péchés et les interdits qu'ils ont délaissés durant celui-ci. Ils sont donc joyeux à la fin du mois de Ramadan, et ce, car ils considèrent ceci comme une sortie de prison pour eux. C'est comme s'ils étaient sortis de leur prison. Ils vont pouvoir retourner dans leurs péchés et les désobéissances et délaisser les actes de bien. C'est pour cela qu'ils se réjouissent. Et comme il est venu dans un hadith, il n'y a pas un mois meilleur pour les musulmans que le mois de Ramadan. Et il ne passe pas un mois plus mauvais pour les hypocrites que le mois de Ramadan. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui ont profité de ce mois et non pas ceux qui se réjouissent de sa fin pour retourner dans les péchés. En effet, le croyant, il se réjouit à la fin du mois de Ramadan. Mais pourquoi il se réjouit? Est-ce qu'il se réjouit parce qu'il ne va plus jeûner, plus prier la nuit, plus lire le Coran? Non. Mais il se réjouit car il a utilisé ce mois dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a utilisé ce mois dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il espère donc la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de lui ses œuvres. Et il espère trouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense des œuvres qu'il a accomplies durant ce mois. Quant à l'hypocrite, il se réjouit à la fin de ce mois. Il est libéré, il va pouvoir retourner dans les péchés, dans les désirs et les passions. Et il était enfermé durant ce mois. C'est pour cela qu'il se réjouit. Alors que le croyant, il va faire suivre ce mois par d'autres adorations. Il fait suivre ce mois de Ramadan premièrement par l'istighfar, l'imploration du pardon. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le pardonner pour ses manquements qu'il a eus durant ce mois. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter les œuvres qu'il a accomplies durant ce mois. Ne sois donc pas de ceux qui se réjouissent à la fin de ce mois parce qu'ils vont pouvoir retourner dans la distraction, retourner dans les péchés, retourner dans l'insouciance. Et cela, ils vont faire suivre leur mois de Ramadan par un jour de Eid rempli de péchés. Durant le jour de fête, ils vont écouter de la musique, ils vont se réunir dans la mixité, ils vont faire nombre et nombre de péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas, détruisant ce qu'ils ont construit durant le mois de Ramadan. Mais le croyant, lui, il fait suivre ce mois de Ramadan par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'accomplit durant le jour de la fête que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé de lui. Le croyant, il fait suivre ce mois par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et il continue de se rapprocher d'Allah par les œuvres pieuses tout au long de l'année. À toi de choisir, ô serviteur d'Allah, comment tu souhaites présenter tes adieux à ce mois. Souhaites-tu présenter tes adieux à ce mois dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant des œuvres agréées de lui ou bien dans la malfaisance et les péchés? On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à terminer ce mois dans l'obéissance et les œuvres pieuses. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de nous notre repentir et de nous pardonner l'ensemble de nos péchés et de nos manquements durant ce mois ainsi que tout au long de l'année. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayran.